Jérémie chapitre 49. Quant aux enfants de Ammon, ainsi a dit l'Éternel, Israël n'a-t-il point d'enfants, ou n'a-t-il point d'héritiers? Pourquoi donc Malcham a-t-il hérité du pays de Gat, et pourquoi son peuple demeure-t-il dans les villes de Gat? C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai ouïr l'alarme dans Rabba des enfants de Ammon, et elle sera réduite en un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront brûlées au feu, et Israël possédera ceux qui l'auront possédé, a dit l'Éternel. Hurle, ô Hesbon, car il a été ravagé. Ville du ressort de Rabba, criez, saignez le sac sur vous, lamentez, courez le long des haies, car Malcham ira en captivité, avec ses sacrificateurs et ses principaux. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée est écoulée, fille revêche. Elle se confiait en ses trésors, et disait, qui viendra contre moi? Voici, je m'en vais faire venir de tous tes environs la frayeur sur toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous serez chassés chacun çà et là, et il n'y aura personne qui rassemble les dispersés. Mais, après cela, je ferai retourner les captifs des enfants de Ammon, dit l'Éternel. Quant à Édom, ainsi a dit l'Éternel des armées, n'est-il pas vrai qu'il n'y a plus de sagesse dans tes mains? Le conseil est manqué aux hommes entendus, leur sagesse s'est évanouie. Fuyez, tournez le dos, vous habitants de Dédan, qui avez fait des creux pour y habiter, car j'ai fait venir sur eux sa étrême à sa calamité, le temps auquel je l'ai visité. Est-il entré chez toi des vendangeurs? Ils ne t'auraient point laissé de grappillage. Sont-ce des larrons de nuit? Ils auraient fait du dégât autant qu'il leur aurait suffi. Mais j'ai fouillé Oès à Utréma, j'ai découvert ses lieux secrets, tellement qu'il ne se pourra cacher, sa postérité est ravagée, ses frères aussi, et ses voisins, et ce n'est plus rien. Laisse tes orphelins, et je leur donnerai de quoi vivre, et que tes veuves s'assurent sur moi. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient point boire de la coupe, en boiront certainement, et toi, en serais-tu exempt en quelque manière? Tu n'en seras point exempt, mais tu en boiras certainement. Car j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que Botsra sera réduite en désolation, en opprobre, en désert et en malédiction, et que toutes ces villes seront réduites en désert perpétuel. J'ai vu une publication de par l'Éternel, et il y a un ambassadeur envoyé parmi les nations, pour leur dire, assemblez-vous, et venez contre elles, et levez-vous pour combattre. Car voici, je t'avais fait petite entre les nations, et contentible entre les hommes. Mais ta présomption et la fierté de ton cœur t'ont séduit, toi qui habites dans les creux des rochers, et qui occupes la hauteur des coteaux. Quand tu aurais élevé ton nid comme l'aigle, je t'en ferai descendre, dit l'Éternel. Et l'Idumée sera réduite en désolation, tellement que quiconque passera près d'elle, en sera étonné, et lui insultera à cause de toutes ses plaies. Il n'y demeurera personne, a dit l'Éternel, et aucun fils d'Omni séjournera, comme dans la subversion de Sodome et de Gomorre, et de leurs lieux circonvoisins. Voici, il montera comme un lion à cause de l'enflure du Jourdain, vers la demeure du pays rude, et après l'avoir fait reposer, je le ferai courir hors de l'Idumée. Et qui est d'élite, que je lui donne commission contre elle? Car qui est semblable à moi, et qui me déterminera le temps, et qui sera le pasteur qui tiendra ferme contre moi? C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a formés contre les habitants de Téman, si les plus petits du troupeau ne les traînent par terre, et s'ils ont réduit en désolation leur cabane sur eux. La terre a été ébranlée du bruit de leurs ruines, il y a eu un cri, le son en a été oué en la mer rouge. Voici, il montera comme un aigle, et il volera, et étendra ses ailes sur Botsra, et le cœur des forts des deux mans ce jour-là, sera comme le cœur d'une femme qui est en travail. Quant à Damas, Hamat et Arpin ont été rendues honteuses, parce qu'elles ont appris des nouvelles très mauvaises, ils sont fondus, il y a une tourmente dans la mer, elle ne se peut apaiser. Damas est toute lâche, elle est mise en fuite, la peur l'a surprise, l'angoisse et les douleurs l'ont saisie comme d'une femme qui enfante. Comment n'a pas été réservée la ville renommée, ma ville de plaisance? Car ces gens d'élite tomberont dans ces rues, et on fera perdre la parole à tous ces hommes de guerre en ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Et je mettrai le feu à la muraille de Damas, qui dévorera les palais de Ben-Hadad. Quant à Kédar, et au royaume d'Atsor, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, frappera, ainsi a dit l'Éternel, levez-vous, montez vers Kédar, et détruisez les enfants d'Orient. Ils enlèveront leurs tentes et leurs troupeaux, et prendront pour eux leurs tentes, et tout leur équipage, et leurs chameaux, et on créera, frayeur tout autour. Fuyez, écartez-vous tant que vous pourrez, vous habitants d'Atsor, qui avez fait des creux pour y habiter, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a formé un dessein contre vous, il a pris une résolution contre vous. Levez-vous, montez vers la nation qui est en repos, qui habite en assurance, dit l'Éternel, qui n'ont ni porte, ni barre, et qui habite seul. Et leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leur bétail sera en proie, et je les disperserai à tout vent, vers ceux qui sont au bout des coins, et je ferai venir de tous les côtés leurs calamités, dit l'Éternel. Et Atsor deviendra un repaire de dragons, et un désert à toujours, il n'y demeurera personne, et aucun fils d'Omni séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète, contre Élam, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, en disant. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je m'en vais rompre l'arc d'Élam, qui est leur principale force. Et je ferai venir contre Élam les quatre vents, des quatre bouts des cieux, et je les disperserai par tous ces vents-là, et il n'y aura point de nation à laquelle ne viennent ceux qui seront chassés d'Élam. Et je ferai que ceux d'Élam, seront épouvantés devant leurs ennemis, et devant ceux qui cherchent leur vie, et je ferai venir du mal sur eux, seul voir, l'ardeur de ma colère, dit l'Éternel, et j'enverrai l'épée après eux, jusqu'à ce que je les ai consumés. Et je mettrai mon trône en Élam, et j'en détruirai les rois et les principaux, dit l'Éternel. Mais il arrivera qu'au dernier jour, je ferai retourner d'Élam les captifs, dit l'Éternel.